Put your hands together one time. Bonjour à tous chers amis et bienvenue à cette première émission d'Entrepod, qui est donc un nouveau show sur FrenchPod. Nouvelle émission, nous allons discuter ensemble de la culture francophone, entre nous, entre amis, entre potes. Pour cette première, j'ai la chance de recevoir deux amis qui nous viennent de régions françaises différentes. J'ai donc Camille. Bonjour. Et Mathieu. Bonjour. Qui vont nous parler de leur vision de la province, de leur vision de Paris et confronter leurs opinions. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, mais avant cela, on va procéder aux présentations. Donc, Camille, si tu veux bien commencer. Bien, bonjour, je m'appelle Camille, je suis à Paris depuis ma naissance. T'es une vraie Parisienne, alors. Une vraie Parisienne, une vraie Française, avec des origines quand même un peu limousines et catalanes. Donc, tu parles du Limousin, donc cette région au centre de la France, qui a pour ville principale Limoges. Et tu mentionnes également la région catalane, qui se trouve tout au sud, juste à côté de l'Espagne, mais du côté de la Méditerranée. Et j'ai 26 ans. Je travaille depuis 4 ans dans le secteur de l'audiovisuel, comme chargée de production. Ouais. Et je suis donc là pour défendre ma cause, qui est la capitale. Et donc, nous avons... Bon, ce n'est un secret pour personne. Et nous avons Mathieu, qui est le petit ami de Camille. Donc, si tu veux bien te présenter aussi, Mathieu. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, je suis donc originaire de la région du Nord-Pas-de-Calais, nord de la France, près de la Belgique, mais je suis à Paris en ce moment, et depuis 6 ans d'ailleurs, donc voilà, je suis parti sur Paris après les études pour le boulot, parce qu'en France c'est vrai que tout est centralisé là-bas, enfin ouais. Ça dépend des secteurs d'activité. Mais en l'occurrence, dans le mien, dans la musique, c'était plus facile pour moi de réussir professionnellement sur Paris. Et qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je travaille dans une maison de disques. D'accord. De quelle ville précisément tu viens dans le Nord ? La capitale des Flandres, donc Lille. Bien, parfait. Sans plus attendre, première question. Alors d'abord, je vais vous dire à Camille. Camille, mm-hmm. Fière d'être parisienne ? Non, fière d'être parisienne, oui. Fière d'être française en tout premier. Ah ouais ? Il y a le cliché du Parisien qui est tout le temps développé, critiqué, etc. Mais Paris, il n'y a pas vraiment de Parisien en fait. Paris, c'est un métissage de tout, donc fière d'être française, ouais. D'accord. Parce que comme tu l'as dit, tu as aussi des origines. Ouais, voilà, il y a quand même un petit métissage, comme on dit, dans ma famille. Donc j'ai quand même passé toutes mes vacances au fin fond du Limousin, à la campagne, ou au bord de la mer et... Ouais. Dans les montagnes des Pyrénées. Mais tu as toujours vécu à Paris ou dans la région toujours parisienne ? Toujours Paris depuis 5 ans et banlieue parisienne. D'accord. Ma vie. Oui, oui, oui. Et toi, Mathieu, fier d'être Lillois ? Oui, fier d'être Lillois. Toujours été fier. En plus, une région quand même assez décriée pour l'accent qu'ont les gens là-bas, qui est assez prononcé, assez fort, pour le climat qui est assez rude. C'est le nord de la France, c'est le nord de la France. C'est pas Marseille. Il pleut beaucoup. Et bon, alors les gens n'ont pas tellement envie de visiter, de se rendre là-bas. Et on a eu envie, enfin j'ai eu envie d'essayer de montrer aux gens, aux Parisiens notamment, le contraire, que ça valait le coup de se déplacer. Et puis apparemment, ça marche. D'accord, on va revenir là-dessus. Alors, la seconde question est de savoir si est-ce que vous pensez que vous avez chacun des expressions, vous avez un accent différent déjà ou... Des expressions, plus qu'un accent. Les expressions, ça c'est... Oui, c'est sûr. On essaie de les garder. Ou souvent, quand on voit des potes, des amis du Nord, on retrouve un petit peu, au moins les expressions, l'accent parfois. Ouais, mais ma question, c'est plus... Toi, si tu veux, t'avais vu chez Camille des expressions, un accent, tu trouvais qu'elle avait un accent parisien ? C'est juste un petit accent. Oui, oui. Paris oui, n'a pas d'accent. Juste un petit accent. C'est oh. Autour de Paris qu'il y a des accents. Dans la province. Dans la province, en fait, pour toi, les Parisiens parlent sans accent, parfaitement. Je pense que c'est... Non, j'exagère, hein, mais je pense que c'est l'impression que va avoir chaque habitant d'une région de la France. Pour moi, il y a un accent parisien, comme il y a un accent du Nord, comme il y a un accent pour chaque région, voire département. Et des expressions qui correspondent aussi. Et des expressions qui correspondent, effectivement, à Paris. C'est peut-être, à Paris, c'est peut-être plus un accent parisien que des expressions parisiennes, je trouve. C'est-à-dire que nous, les Parisiens, on est souvent décriés parce qu'on parle vite, on casse les mots. Mais il y a moins d'expressions parisiennes que, par exemple, dans le Nord, il y a quand même encore un patois qui déteint sur la langue française. Donc, il y a des expressions qui en découlent. Ouais, je pense qu'il existait véritablement un accent parisien, l'accent qu'on on dirait du vieux Paris, des faubourgs de Paris, c'est l'accent du titi parisien. Et que celui-là, ben, malheureusement, parce qu'il avait son charme aussi, il est en train de disparaître au profit d'un accent certainement plus global qu'on parle dans toute la France, mais qui est quand même exacerbé à Paris, ou qui est quand même à la pointe, on va dire, à Paris, et qu'après il se répand partout. Ouais. Et le verlan, ce qu'on connaissait comme étant le verlan, donc cette fameuse... C'est plus banlieue. Ça vient de la Paris. Banlieue, d'accord. Mmh. Mais pas de la province, c'est né à Paris quand même. C'est né à Paris, oui. Voilà, de la banlieue parisienne. C'est né dans d'accord. La banlieue. Ouais, à l'époque là. Le parisien parle pas du tout le verlan. C'est justement la différence entre le parisien et le banlieusard. Ouais. C'est que moi, je me rappelle quand je suis arrivée il y a quelques années, que je me suis installée à Paris, je le parlais le verlan. Enfin, je le parle toujours un petit peu. Ouais. Mais quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée face à des Parisiens, ils le comprenaient. Mais ils en usaient beaucoup moins souvent, donc ça devenait un peu la blague. Il l'a tenu, Il l'a tenu, donc ça devient un peu la blague du banlieusard. Celui qui parle le verlan, il est peut-être un peu plus banlieusard que parisien. C'est vrai. Mais bon, c'est une impression. Et généralement, quand on parle des accents, je pose surtout ça à toi, Camille, quand tu entends les accents des différentes régions autour de toi, généralement, tu les apprécies J'adore. Ouais. Ah ouais, j'adore. Je trouve que ça donne une personnalité à la langue française et ça valorise toutes les identités qu'on peut avoir en France liées aux régions, liées à la culture, aux origines de chacun. Hein. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y en a qui sont difficiles à comprendre même? Quand on part dans les campagnes et qu'on va retrouver des personnes plus âgées, et là où on va plus vers le patois que vers l'accent en fait. Ouais. Mm-hmm. Là ça devient compliqué parce qu'ils mélangent. Ouais, donc le patois qui est un dialecte, c'est un autre mot pour dire dialecte en fait, chers auditeurs. Toi tu as parlé de clichés tout à l'heure, Camille. Mm-hmm. Est-ce que tu as quand même certains clichés sur les provinciaux? Malheureusement, oui. Non, moins maintenant, parce que on a des clichés sur tout et on apprend à plus les avoir parce que autant essayer de voir tout le monde à peu près pareil. Ouais, mais je te demande d'être plus basique. Je vais être plus basique. Alors, les clichés qu'on peut avoir, oui, c'est. On peut revenir des fois à l'accent, justement, à la façon de parler qui. Que souvent à Paris on considère qu'ils parlent pas bien français. Alors, d'accord. Ouais. On va aussi considérer que c'est à Paris qu'il y a tout, c'est à Paris qu'il y a tous les musées, qu'il y a toute la vie culturelle, qu'il y a les meilleures universités, qu'il y a le boulot, c'est Paris et la province. D'accord. Et Paris qui est le centre de la France, et ce qu'il y a autour. Et les gens qui sont pas de Paris, qu'est-ce qu'ils font là-bas quoi? Bah on se demande. Ouais. Bien, alors j'ai encore quelques questions. Est-ce que le fait qu'il soit provincial t'a attiré? J'ai que des amis provinciaux. D'accord, donc ça n'a pas joué. En fait, c'est pas parce que tu t'es dit je vais essayer quelque chose d'un peu exotique. Ouais, mais en partie. Non, je l'ai pas choisi parce qu'il est provincial. Mais c'est vrai que j'ai que des amis qui viennent en dehors de Paris et de. Donc peut-être. Et voilà. Charme d'une autre région, bien. Exactement. Et toi-même? Vous pouvez répéter la question. Est-ce que le fait qu'elle soit parisienne t'a attiré? Je ne suis pas une vraie parisienne. Voilà, elle a mis tout de suite en avant ses côtés. Ses origines. Limousine. Limousine, ouais. Ah, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Mathieu, il a vécu plus longtemps que moi à Paris. Parce que Mathieu, ça fait 6 ans qu'il est à Paris et moi, ça en fait 4. Et Oui, ce que je marque, c'est que les Parisiens aiment bien faire la différence entre Paris, qu'on appelle Paris intramuros, qui est vraiment ce cercle. C'est ça, il y a la France est constituée de 3 zones. Alors, 3 zones qui sont donc Paris, effectivement, intramuros, qui est vraiment le centre-ville qui représente, on va dire, à peu près 100 km², le cœur historique de la ville. Ouais. Toute la banlieue autour qui représente la région Île-de-France. Donc Paris fait peut-être 3 millions d'habitants. La région Île-de-France, on arrive à 12 millions d'habitants. D'accord. Donc c'est quand même une bonne partie de la France, on va dire un cinquième. Ouais. Et après, tout le reste, c'est la province. Donc... Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout la même activité dans la ville de Paris que dans la banlieue autour. Ouais. Il n'y a pas de métro dans la banlieue autour. Il y a, il y a plein de vie culturelle, etc. Mais il y a tous moins... les théâtres, ça, voilà. La majeure partie des théâtres. Il y a moins d'accès facile. Il y a, enfin. Quand on est un touriste. On reste à Paris. On reste à Paris parce que on va en banlieue voir Versailles, le château de Versailles, voir le parc à Rambouillet. On va à Disneyland à Marne-la-Vallée, mais on reste à Paris parce que. Ouais. D'accord, parce que c'est là que se trouvent les monuments, les musées. Ouais, voilà. Et justement, parce que j'ai l'impression que dans chaque famille de France, il y a toujours quelqu'un qui habite à Paris, où il y a beaucoup de mes amis, par exemple, qui sont, même s'ils n'y habitent plus, qui y sont passés. Je trouve. Bah, Paris, elle peut souvent être vue comme ça, cette ville. C'est-à-dire que c'est une ville où il y fait bon y vivre plusieurs années, et il y fait bon s'émanciper, je pense. Ouais, s'émanciper. Gens... Bien que maintenant, avec la décentralisation, il y a des grandes villes de province qui prennent le dessus aussi. Ouais. C'est vrai que Paris attire quand on est jeune parce qu'on peut tout y faire assez facilement. Après, je pense quand même qu'il y a un moment où il y a un désir de retourner à ses origines aussi, parce que retour aux Paris, origines. C'est un métissage, donc c'est... Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris. Donc peut-être un mot pour définir la distinction entre Paris, province. Paris, ça t'évoque ? Paris, pour moi, c'est la fête. Ouais. C'est la découverte. Et pour moi, la province, peut-être un certain retour aux sources. Voilà, un retour aux sources et un peu plus de calme et de réalité. D'accord. Ok, et toi, Mathieu ? Paris en un mot, deux mots. Ouais. Une belle étape. D'accord. Trois mots. belle étape. C'est-à-dire que étape, pourquoi ? Parce qu'il y a eu, oui, il y a un début et je sais qu'il y aura une fin. Belle parce que je m'y sens bien. Étape parce que malgré tout, je ne me sens pas parisien. D'accord. Voilà. Et la province ? Voilà. Si tu veux parler de Lille, la province ou Lille, c'est comme tu préfères. Je parle de Lille, hein. Les racines. Hein. Excellent. Parfait, parfait. Waouh. J'étais vraiment très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Entrepod. Sur ce, n'oubliez pas, vous avez une leçon quotidienne sur frenchpod.com. À très bientôt.